بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وعليكم السلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on continue avec un nouveau chapitre dans notre livre Kitab al-Tawhid avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan, et aujourd'hui c'est le cours numéro 53 et on commence Bab al-Shafa'a, c'est-à-dire le chapitre qui parle de l'intercession, al-Shafa'a. Et donc on va commencer par le charh. Bon, le Cheikh il mentionne plusieurs ayats, qui parlent de du sujet de Shafa'a. Et puis il mentionne une parole également de Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Et donc, on va lire le charh au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à l'explication du premier verset, puis ensuite on va lire les autres versets, un après l'autre, pour bien comprendre la signification de ces versets-là. Le Cheikh il commence par une introduction pour expliquer un peu le sujet, qu'est-ce qui a rapport avec le Shafa'a. Donc on va commencer tout de suite par la lecture de l'introduction du Cheikh Saleh al-Fawzan. Il dit « قال الشيخ الإمام رحمه الله » c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab « باب الشفاعة الشفاعة معناها التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردا في الأول ثم انضم إليه الشافع صار شفعا لأن الشفع ضد الوتر فلما كان طالب الحاجة منفردا ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب ولذلك سمي شافعا وسمي بذلك أو سمي ذلك أو هذا العمل شفاعة قال الله تعالى أو قال نعم قال الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها سورة النساء فالذي يشفع عند السلاطين أو عند الأغنياء أو عند غيرهم لقضاء حاجة المحتاجين يعتبر عمله شفاعة طيبة ويؤجر عليها قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء أو ما شاء نعم donc le cheikh Saleh al-Fawzan il explique donc il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit que c'est le chapitre de al-Shafa'a. Al-Shafa'a, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire d'intercéder pour régler le besoin de quelqu'un qui a un besoin. Donc, on l'a appelé comme ça parce que quand tu demandes en premier, tu es toute seule. Puis tu demandes à quelqu'un d'intercéder en ta faveur, donc c'est comme si vous devenez deux personnes, donc c'est impair. Donc impair au début, parce que il était un, après est devenu impair. Et un chef, ça veut dire pair, et c'est le contraire de witr qui veut dire impair. Donc c'est de là l'origine du mot shafa'a. Ok, et le cheikh il mentionne un verset dans le Coran qui parle de ça, c'est le verset 85 dans Sourate An-Nisa, et ça dit « Celui qui fait une bonne intercession, il aura une part de ça, il en aura une part. » C'est-à-dire, tu intercèdes pour quelqu'un, hein, pour quelque chose de bien, et bien tu auras une part de la récompense. Et si tu intercèdes dans une mauvaise intercession, eh bien, tu auras aussi une part de la responsabilité. Et donc, il donne l'exemple, le cheikh, il dit, celui donc qui va intercéder auprès des rois, auprès des dirigeants, auprès des hommes riches, pour essayer de régler le besoin de quelqu'un, hein, eh bien, ça c'est considéré comme étant une bonne intercession. Par exemple, tu sais que quelqu'un a besoin d'une grosse somme d'argent, ou besoin d'argent, et tu connais quelqu'un qui est riche, qui pourrait l'aider, t'en vas intercéder en la faveur de cette personne-là qui a ce besoin-là, tu dis aux riches, j'ai un ami qui a besoin d'aide, je voudrais te le présenter, si tu peux l'aider, ça serait bien. Ça, ça s'appelle shafa'a, ça veut dire intercéder pour quelqu'un. Hein? Donc, celui qui fait ça, ça c'est une bonne shafa'a, donc c'est considéré comme si tu as une part de la récompense dans le fait d'avoir intercédé pour cette personne-là. Et il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Intercédez pour les gens, vous serez récompensés. » Et Allah décrète par la langue de son messager ce qu'il veut. Après il dit « Amma idha kanat al-shafa'a fi amr al-muharram, fahadhi shafa'atun sayya'a, kalladhi yashfa'u inda al-sultan fi ta'til al-hudud, idha wajab al-had ala shakhsin, shafa'a indahu liyasqut anhu al-had. وهذه شفاعة سيئة ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع وتجحده شق على أهلها وذويها قطع يدها تراجعوا بمن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقرر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ليشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وتغيظ على أسامة رضي الله عنه وقال له أتشفع في حد من حدود الله وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع donc le cheikh il explique, il dit que si c'est dans le sens que on a montré maintenant une bonne intercession puis on a dit que c'est quelque chose de bien et que Allah subhanahu wa ta'ala allait le récompenser pour avoir fait cette bonne intercession-là. Toutefois, si quelqu'un fait une mauvaise intercession pour quelque chose de haram, alors ça c'est considéré comme étant une mauvaise intercession. Comme par exemple quelqu'un qui va voir le dirigeant pour lui demander d'annuler ou d'abolir ou de faire tomber la peine sur quelqu'un qui a fait un crime et qui mérite d'être puni pour ce crime-là. Donc, le cheikh il dit que si c'est obligatoire d'établir une peine ou une punition sur quelqu'un et que quelqu'un vient d'intercéder pour que cette peine-là ne soit pas appliquée sur lui, ça c'est considéré comme une mauvaise intercession. Et ça c'est arrivé même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une femme de la tribu de Makhzoum avait l'habitude de prendre des choses, d'emprunter des choses des gens, puis elle niait par la suite qu'elle les avait empruntées. Et donc, c'était une forme de vol, yani, qu'elle faisait. Et donc, yani, sa famille avait du mal à accepter le fait qu'ils allaient couper sa main. Parce que, soi-disant, c'était une femme d'une famille noble, ou quelque chose de ce genre. Et donc, ils ont essayé de trouver un moyen d'intercéder auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de faire tomber la peine. Ok? Donc, ils se sont entendus pour dire qu'ils allaient demander à Usama ibn Zayd, qui était un, qui était un parmi les sahaba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup, de même qu'il aimait son père Zayd beaucoup. C'était comme, il était considéré avant comme étant son fils adoptif. Il était son khadim, comme on dit, celui qui le servait, qui travaillait pour lui dans sa maison. Et les gens le considéraient presque comme le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Usama c'était son fils. Et ils ont donc décidé de demander à Usama d'aller pour intercéder en faveur de cette femme. Et donc ils sont allés le voir et ils ont dit, va demander au messager d'Allah pour pas que sa main soit coupée. Donc Usama ibn Zayd est allé demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cette chose-là, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et il s'est fâché. Et il a dit, est-ce que tu veux intercéder au sujet d'une punition parmi les peines que Allah subhanahu wa ta'ala a établies? Il dit, par Allah, même si Fatima, la fille de Muhammad, avait volé, j'aurais coupé sa main. Ça veut dire, même si c'était sa propre fille qui avait volé, il allait couper sa main. C'est-à-dire, on ne regarde pas le niveau de la personne, le statut social ou autre chose dans ces choses-là. Quand c'est le temps d'établir la peine de l'islam sur quelqu'un, sur un criminel, ou quelqu'un qui a volé, ou quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, eh bien, il faut appliquer la peine sur lui. Et donc, il a dit aussi dans un autre hadith, lorsque les peines arrivent aux dirigeants, il n'est plus permis par la suite d'intercéder. Comme on avait déjà vu dans le passé, dans un écho passé, que si toi par exemple tu as attrapé quelqu'un qui vient voler chez toi, hein, et puis tu décides de... Oui, c'est ça, un sahabi qui avait volé, un sahabi qui avait attrapé un voleur, il a amené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour dire, lui il a volé, donc il dit, c'est pas grave, il a dit au messager d'Allah, je te l'amène mais je lui pardonne, tu peux le laisser. Il a dit, il fallait que tu le pardonnes avant, une fois que tu l'as amené, ça y est, tu vois. Donc si tu veux laisser partir la personne, puis tu la pardonnes, tu l'excuses, dans ce cas-là tu le fais avant, mais c'est pas une fois que l'affaire est arrivée devant le juge, et que tu as fait ta plainte, et que tu as montré les témoignages et tout, et là après tu dis, ça y est, je le pardonne, non, parce que c'est une punition qui est établie par Allah, et donc, dans un cas pareil, comme le hadith dit que, dans un cas pareil, celui qui intercède, il a sur lui la malédiction d'Allah, et de même que la personne pour qui on intercède. Donc ensuite il dit, والحاصل أن هذا تاريخ الشفاعة وانقسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. هذا فيما بين الناس والمراد هنا الشفاعة عند الله. Donc il dit que là on a donc donné la définition du mot شفاعة dans la langue arabe, la définition linguistique, et le fait que ça se divise en une bonne et une mauvaise shafa'a, et ça c'est quand on parle de la shafa'a ou de l'intercession entre deux personnes, ou entre des êtres humains. Mais le sujet dont l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab veut parler dans ce chapitre-là, c'est de l'intercession qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, « Wa muradu al-musannif rahimahullah min hadha al-bab » أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، فيسبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواع العبادة، فإذا أنكر عليهم قالوا غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط، فبين الله أن ذلك شرك، أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc le chef il explique, il dit que l'auteur de ce livre, le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'était quoi son intention en écrivant ce chapitre? C'était de faire savoir que dans le passé, tout comme dans le temps présent également, les mushrikoun, ils adorent des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'ils adorent des arbres, des pierres, des tombes, des tombeaux, des prophètes, des anges, des hommes pieux, des prophètes, etc., des messagers, et tout ça, quand on leur dit que ce qu'ils font c'est shirk et que c'est mauvais, eux qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, ce sont seulement des intercesseurs entre nous et Allah, ce sont des intermédiaires, d'accord? Et ils ont, ils disent, on sait que ce sont des créatures, parce que, on sait que ce sont des créatures d'Allah, on sait que toute la décision et tout le commandement est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ceux-là ont une place importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on veut qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire, ils sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous on est très loin parce qu'on est des gens qui font des péchés, on est des gens qui ont plein de fautes, donc le fait que eux ils soient proches, ils peuvent intercéder pour nous. C'est ça l'argument des mouchriquins. Donc, le chef il dit, donc ils égorgent, ils sacrifient plutôt des animaux et des bêtes pour les fins, pour les hommes pieux, pour les arbres, pour les pierres, et ils cherchent le refuge en ces, ou ils cherchent le secours en ces choses-là, et ils leur offrent toutes sortes de formes d'adoration. Donc, lorsqu'on leur dit, qu'est-ce que vous faites? C'est pas correct, c'est mal, c'est contraire à l'islam, c'est shirk. Eux, ils disent, nous, notre intention en faisant ça, c'est juste de demander shafa'a, juste de demander l'intercession. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié et a expliqué que ça, c'est le shirk. Et que c'est une adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 18 dans Surat Yunus, verset 18, qui dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il continue, يقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم ليس لهم من الأمر شيء ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفع لنا عند الله لأن لهم مكانة عند الله كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني يعبدونهم ما نعبدهم اعترفوا أنهم يعبدونهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا ولم تنفعهم اعتذاراتهم وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا فكما أنهم من عادتهم عند الملوك عند ملوك الدنيا أنهم يوسطون الشفعاء بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم قاسوا الله جل وعلا بخلقه اتخذوا عند الله شفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء وهذا باطل لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق فإن ملوك الدنيا أو سلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين ليعينوه على أمور الملك فلو لم يقبل شفاعتهم لنفر منه ولم يعينوه والله جل وعلا غني عن خلقه وليس بحاجة إلى أن يعينه أحد بخلاف الملوك والسلاطين فهم بحاجة Donc le cheikh explique ici très bien le principe et il clarifie la question. Il dit donc que les mushrikines, ils disent nous, on sait très bien que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ils disent nous on sait très bien que ce sont des créateurs, hein, et qu'ils ne contrôlent rien, ils n'ont aucun contrôle, hein, mais et allez, on fait ça parce que eux ils vont intercéder auprès d'Allah pour nous, parce qu'ils ont une place très élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils disent par exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à leur sujet, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés, hein, dans l'adoration, ils disent on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les cheikhs ils disent, premièrement ils ont reconnu qu'ils les adorent, hein, ils ont reconnu qu'ils les adorent, et en plus ils disent que c'est juste pour les rapprocher un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah il complète ce verset là qui est dans sourate Zumar verset 3 en disant que Allah va juger entre eux sur ce sur quoi ils ont divergé, et Allah ne guide certes pas celui qui est menteur et qui dénie ou qui traite de mensonge la vérité. Donc il l'a décrit comme étant kazib, c'est-à-dire menteur, et kassar, hein, c'est quelqu'un qui fait le kufr, hein, qui rejette la vérité. Donc Allah a décrit ça de cette façon-là. Donc ça prouve que cette action-là de leur part c'est kufr et que c'est un mensonge. Et que leurs excuses ne leur servira en rien. Toutes ces excuses qu'ils donnent, on fait ça juste parce qu'on veut des intercessions, on fait ça juste pour nous rapprocher plus d'Allah, etc., etc. Tout ça, ce ne sera pas accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ils ont essayé de faire une analogie entre Allah et sa créature. Ils ont essayé de faire une analogie entre le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et les rois dans ce monde. Les rois et les princes et les chefs, les gens qui dirigent et les gens haut placés, ils les ont comparés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se disent que, étant donné que dans ce monde on a besoin d'un intercesseur pour arriver à parler avec le président, ou bien avec le ministre, ou bien avec le roi, donc avec Allah subhanahu wa ta'ala ça doit être la même chose. Ils ont fait un genre de comparaison ou d'analogie de cette façon. Et ça, c'est une grave erreur d'avoir fait ça, parce que c'est de comparer Allah avec sa créature. Et donc, ils ont pris, hein, des intercesseurs auprès d'Allah, pour essayer de se rapprocher d'Allah, comme on prend des dirigeants ou des présidents dans cette vie. Et ça, c'est totalement faux. Et c'est de mettre à égalité le créateur et la créature. Et il y a une grande différence entre le créateur et la créature, et entre Allah et les rois. Pourquoi ? Le cheikh il explique et il dit que c'est parce que les rois dans ce monde et les princes et les présidents dans ce monde, hein, ils ont presque pas le choix d'accepter l'intercession des gens auprès d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de leurs conseillers et ils ont besoin de leurs ministres. Hein. Si ils refusent tout de rendre des services à leurs ministres et à leurs conseillers, quand ils ont besoin d'une intercession, qu'est-ce qui arrive à la fin? Ils risquent de perdre l'aide de ses ministres, ils risquent de perdre l'aide de ses conseillers, et donc il a besoin de ses conseillers, et donc il est obligé d'une certaine façon, indirectement, de prendre, de leur faire des faveurs, disons, et de leur accorder certains services de temps en temps, quand ils viennent pour demander une intercession. Hein, auprès d'eux. Donc, ça c'est pour les créatures, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à ces créatures-là, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun besoin de sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne dans ce monde, d'accord? Parce qu'il se suffit à lui-même, il est al-ghani, hein, al-qayyum. Donc, il a besoin de personne qui, pour l'aider. Contrairement aux dirigeants, aux rois, aux présidents, etc. D'accord? Donc on ne peut pas faire d'analogie de ce genre. Wa aidan al-muluk wa ru'asa لو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم وقد لا يلتفتون إليهم ولكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء تكلموا وعليكم السلام ورحمة الله تكلموا معهم أثروا فيهم فقبلوا الشفاعة أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد الله جل وعلا يريد الرحمة لعباده ويريد المغفرة ويريد قضاء حاجة الناس وإعطائهم ورزقهم هو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد Le Cheikh il dit que, et ça aussi c'est un point intéressant et un point important, c'est que les dirigeants et les princes et les rois et les présidents, ils ne connaissent pas les gens. Hein, ils ne connaissent pas les gens. Et donc ils ont besoin parfois de quelqu'un pour les introduire, ou disons, on dit ça en anglais, mais en français ce serait plutôt présenter, hein, pour les présenter. Oui, introduce comme en anglais. Pour faire la présentation. Parce que quand tu connais pas quelqu'un, un étranger qui vient te voir, tu le connais pas, tu peux pas lui faire confiance. Hein? Donc, quelqu'un que tu connais, il vient te le présenter, et là, ça sert comme d'intermédiaire, dans le sens que, étant donné que tu le connais, et qu'il te dit du bien de cette personne, donc tu vas lui faire confiance à cause de lui. Eh ben, donc c'est dans ce sens-là. Et, à cause de ça, ils vont d'influencer ou ils vont influencer le roi ou le président pour qu'il accepte d'aider cette personne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a pas, il connaît sa créature, il les connaît parfaitement, il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire les présentations, d'accord? Et en même temps, il veut du bien pour ses serviteurs, il veut les aider. Il veut leur donner la subsistance, il veut les pardonner, hein, et il veut leur donner, remplir leurs besoins, etc. Sans que quelqu'un ait besoin de les influencer à faire ça, hein, dans ce sens-là. Donc, ça c'est une autre grande différence entre les créatures et Allah subhanahu wa ta'ala. فَفِيهِ فَرْقٌ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه ومن ناحية أن الله سبحانه وتعالى مريد للخير والرحمة لعباده وقضاء حوائجهم إذا هم طلبوا من الله بصدق ولجأوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسطة فتبين لنا إذن الفرق بين الخالق والمخلوق فغلط المشركون في ذلك حيث سووا بين الخالق أو سووا الخالق بالمخلوق واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء Le Cheikh il dit que donc là, de ces deux points de vue-là, il y a une différence entre les créatures et les créateurs. La première, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, dans le sens qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a pas besoin de l'aide de l'intercesseur. Et de notre point de vue, c'est qu'il sait toutes choses et donc il n'a pas besoin d'être informé de l'état de sa créature, ni de présentation ou d'autres choses de ce genre. Et donc, également, d'un autre point de vue aussi, c'est qu'il sait, d'un autre point de vue, c'est qu'il veut du bien pour ses serviteurs et de la miséricorde pour ses serviteurs. Et il veut également remplir leurs besoins et leur donner ce qu'ils ont besoin. Donc, si tu demandes avec sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala pour quelque chose, et que tu tournes vers lui avec pureté d'intention, pour qu'il te donne ce que tu as besoin, hein, il va te le donner, même s'il n'y a pas d'intercesseur. Donc, le Cheikh dit qu'on comprend donc maintenant la différence qui existe entre le Créateur et la créature, et on comprend donc que l'erreur des mouchriquins, c'est d'avoir fait une comparaison et d'avoir mis à égalité le Créateur et la créature. Et le Cheikh dit qu'ils ont pris donc, à cause de ça, des intercesseurs ou des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils font avec les rois et les présidents. وَالشَّفَاعَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَاءَتْ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ مَنْفِي وَقِسْمٌ مُثْبَتْ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قِسْمٌ مَنْفِيٌ وَقِسْمٌ مُثْبَتْ فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من غير الله هذه شفاعة منفية لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه وكذلك الشفاعة التي تطلب في من لا تقبل فيه وهو الكافر فالكافر هو المشرك لا تقبل فيه الشفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة Donc le cheikh il dit qu'il y a deux formes de shafa'a. Une première forme de shafa'a, d'intercession, qui est affirmée, et une autre qui est niée, ou qui est, disons, qui n'est pas affirmée. C'est-à-dire une qui est niée et une qui est affirmée. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, vous n'affirmez pas un shafa'a », et c'est faux. Sauf qu'il faut regarder les détails à ce sujet-là, c'est que dans le Coran, il y a une intercession qui est niée par Allah subhanahu wa ta'ala, et il y en a une autre qui est affirmée. Donc, celle qui est affirmée, on l'affirme, et celle qui est niée, on la nie. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'il faut savoir distinguer entre les deux. Et c'est ça ce que le chef explique. Il dit que la première intercession, c'est l'intercession qui est niée, et c'est celle qu'on demande à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Toute intercession qui est demandée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, elle est niée. Et il dit que pourquoi elle est niée cette intercession qui est demandée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que cette intercession-là, elle appartient uniquement à Allah. C'est à Allah qu'appartient l'intercession. Comme on va lire ça dans les versets qui sont mentionnés dans ce chapitre. Donc là, toute l'obu illa minhu. On n'a pas le droit de la chercher d'autre que Allah, que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui appartient. D'accord? C'est sa propriété. Comme tout dans l'univers lui appartient, mais celle-là, Shafa en particulier, c'est uniquement à Allah qu'on a le droit de la demander. Et on n'a pas le droit non plus de la demander, excepté pour quelqu'un pour qui ce sera accepté de lui. Hein? Celui pour qui l'intercession ne sera pas acceptée, on n'a pas le droit de demander l'intercession pour lui. Comme par exemple le mushrik ou le kafir. On ne peut pas demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala pour ces genres de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ » Il n'y aura pas pour les injustes, c'est-à-dire les mouchriquins, les kuffars, il n'y aura pas d'intercesseurs, et ils n'auront pas non plus d'amis chaleureux ce jour-là, c'est au jugement dernier. Et dans Surat al-Baqarah, hein, il y a aussi la mention que c'est un jour dans lequel aucune âme ne pourra rien faire pour une autre, ni aucune intercession ne sera acceptée. Hein? Et ça, bien entendu, c'est pour yani le non-croyant. Ensuite, il y a al-shafa'a qui est affirmée dans le Coran. Le Cheikh dit « وَالشَّفَاعَ الْمُثْبَتَ وَهِيَ الَّتِي تَوَفَّرَ فِيهَا الشَّرْطَانِ الشَّرْطُ الْأَوَّلِ أَنْ تُطْلَبْ مِنَ اللَّهِ وَالشَّرْطُ الثَّانِي أن تكون في من تقبل فيه الشفاعة وهو المؤمن الموحد الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن الله قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا الشرط الأول والشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أهل الإيمان وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء هذا الشرط الأول ويرضى هذا الشرط الثاني Donc, le chef il dit que l'intercession qui est affirmée, c'est celle qui a rempli deux conditions. La première condition, c'est que tu demandes cette intercession-là uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que si on la demande, il faut qu'elle soit demandée uniquement pour la personne de qui elle sera acceptée, c'est-à-dire, ou la personne pour qui elle sera acceptée, c'est-à-dire pour le croyant, le celui qui a appliqué et établi le tawhid, qui est muwahid, ok, c'est-à-dire qui a établi, qui a cru au tawhid et qui l'a appliqué. Même s'il a quelques péchés, hein, même s'il a quelques péchés, sauf que ces péchés-là sont moins que le shirk, dans ce cas-là, il mérite d'être parmi ceux qui auront le droit à l'intercession, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a expliqué plusieurs fois, hein, ça fait partie de la aqidah d'Ahl-Sunnah wal Jama'ah, c'est que si un musulman, tant qu'il n'a pas fait de shirk, s'il meurt sur le tawhid, il sera, Inch'Allah, au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il va rentrer au paradis. Tout musulman qui n'a pas fait le shirk billah, il entrera au paradis. Sauf qu'il y a une différence, est-ce qu'il va rentrer tout de suite au paradis, comme celui qui a établi le tawhid dans toute sa perfection et qui rentre directement au paradis parce qu'il n'a pas fait de péché et il a établi son tawhid, ou bien il rentre en enfer un certain temps pour être purifié de ses péchés, puis après il rentre au paradis parce qu'il n'a pas fait le shirk. Ceux qui vont rester éternellement en enfer, c'est seulement ceux qui ont fait le shirk billah. D'accord ? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le plus grave de tous les péchés, c'est le shirk billah. Toute personne qui a des péchés, même si c'est parmi les kaba'ir, s'il meurt sur les kaba'ir, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonne par sa miséricorde, et s'il veut, il le punit par sa justice, mais il ne va pas demeurer éternellement dans l'enfer, puisqu'il est muwahid, il est sur le tawhid. Le seul qui va rester éternellement en enfer, c'est qui? C'est celui qui a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui a rejeté un des piliers de la foi, hein, qui a fait le kufr. Mais tous les autres vont rentrer un jour ou l'autre dans le paradis. D'accord? Inch'Allah, donc. Donc c'est ça, la première condition, c'est qu'on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas demander la shafa'a à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, les deux conditions. Premièrement, qu'elle soit demandée à Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, il faut que ce soit pour celui qui, de qui elle sera acceptée, ou pour qui elle sera acceptée, et c'est le mu'min muwahid. Donc, même s'il a quelques péchés, ou s'il a des péchés, tant qu'il n'a pas de shirk, on acceptera de lui, ou on acceptera l'intercession en sa faveur, par la permission d'Allah. Et il mentionne des versets à ce sujet-là, comme le verset 255 dans Surat al-Baqarah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans Surat al-Baqarah, le verset 255, c'est Ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Qui donc va pouvoir intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Donc ça veut dire, personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Ça c'est le verset 28 dans Surat Al-Anbiya. وهم أهل الإيمان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Anbiya, le verset 28, et ils ne pourront intercéder que pour celui qu'Allah a agréé. Hein, et ce sont les gens qui ont la foi, Ahlul Iman. D'accord? Ensuite, il dit, ça c'est donc la deuxième condition. Ensuite, il donne un autre exemple de la première condition. Il dit, dans Surat al-Najm, le verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et combien d'anges dans le ciel, hein, combien d'anges dans le ciel, leur intercession ne servira à rien, excepté pour celui qui a eu la permission, hein, excepté pour celui qui a eu la permission d'Allah, ça c'est la condition numéro 1, wa yarda, et la deuxième condition, wa yarda, c'est-à-dire qu'il soit satisfait de lui. Allah subhanahu wa ta'ala doit être satisfait de lui. Et ça c'est la deuxième condition. Le cheikh il dit, wa shafa'atul musbata sittatu anwa'. Il y a six catégories d'intercession qui sont affirmées dans le Coran et dans la Sunna. النوع الأول الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود وهي التي تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف إذا طال الوقوف على أهل الموقف التمسوا من من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف فيأتون إلى آدم عليه السلام ثم إلى الأنبياء نبيا نبيا كلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها ثم يخر ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء وإنما يشفع بعد الاستئذان بعد أن يخر ساجدا لله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له ويقال اشفع تشفع ثم يشفع في أهل الموقف فيحاسبون ثم ينصرفون من الموقف إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. Le chef il dit donc que la première catégorie de shafa'a, la première catégorie d'intercession, c'est la grande intercession. C'est lorsque les hommes seront tous réunis au jugement dernier, en train d'attendre que Allah subhanahu wa ta'ala juge entre les hommes. Hein? Et donc, on sait que ce jour-là, c'est un jour qui dure 50 000 heures. Hein? Et c'est un jour difficile pour tout le monde. Tout le monde est ressuscité debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, nu, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, et ils attendent le jugement. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud. Cette intercession-là, pour ce jour-là, c'est al-maqam al-mahmoud. Et là, ça c'est la place de gloire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a va donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va intercéder en faveur des gens qui sont réunis et qui attendent le jugement. Personne n'ose aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il commence le jugement. Chaque fois, les hommes se réunissent pour aller voir les prophètes, pour essayer de leur demander d'aller d'aller et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il commence le jugement. Mais chaque fois qu'ils arrivent à un messager, le messager s'excuse. Donc ils commencent par Adam alayhi salam, puis ils vont aux autres prophètes, un après l'autre, ils s'excusent tous. Ils disent, c'est pas nous, on peut pas aller voir un autre prophète. Et donc ils terminent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est à moi. C'est-à-dire, c'est moi qui va intercéder pour vous, inshallah. Donc, il se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dise, ô Mohammed, relève ta tête, demande-moi et tu seras exaucé, et intercède et on acceptera ton intercession. Et donc, il y a la preuve que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas commencer directement par l'intercession. Il va commencer en premier par la prosternation. Hein, il ne peut pas intercéder excepté après la permission, après avoir reçu la permission de le faire. Donc, il commence par la prosternation, il tombe prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne peut intercéder que pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission. C'est-à-dire, il peut uniquement demander l'intercession après avoir eu la permission, et je fasse ou je fasse. Et donc, il va intercéder pour les gens qui sont réunis ce jour-là, hein, pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence à les juger. Puis, par la suite, ils vont quitter cet endroit-là, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. A'udhu billahi minan nar. Le cheikh dit, هذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي قال تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. وهذه لم يخالف فيها أحد، وحقيقتها أن الخلائق يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموقف الطويل. Donc le cheikh il dit cette shafa'a, cette grande shafa'a, c'est la place de gloire que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset dans Surah Al-Isra, le verset 79, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala allait placer le messager sallallahu alayhi wa sallam dans une place de gloire. Hein, et pourquoi on l'appelle la place de gloire, Al-Maqam Al-Mahmoud? C'est parce que tous les êtres humains, les premiers et les derniers, vont tous être, vont tous, disons, remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir intercédé en leur faveur ce jour-là. Et donc, c'est la place de gloire. Et il n'y a personne qui a divergé à ce sujet-là. Tout le monde est d'accord, hein, que c'est la place de gloire. Et la réalité de ça, c'est que les créatures vont demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour qu'ils soient, reposés de cette longue attente, au jugement dernier. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. La deuxième shafa'a, la deuxième catégorie de shafa'a, c'est la shafa'a du messager sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis, pour qu'ils puissent entrer dans le paradis. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة. La troisième catégorie, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains des habitants du paradis, pour essayer de les faire élever en degré dans le paradis. Donc ils rentrent au paradis, mais pour les faire monter en degré dans le paradis. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وذلك أن أبا طالب كانت مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده له وحمايته من أذى قومه كلها معروفة، وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضيق، فهو بذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من الحماية والنصرة والدفاع عنه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسير الله، حيث سخر هذا الكافر لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ودخوله في الإسلام حتى إنه زاره وهو يحتضر وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله إلا أنه كان عنده حضرة من المشركين قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب فأخذته النخوة وعليكم السلام ورحمة الله والعياذ بالله أخذته الحمية الجاهلية وقال ما هو على وقال هو على ملة عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله فصار من أهل النار فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة لا في إخراجه من النار فلا يتعارض هذا مع قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنها لم تنفع أبا طالب بالخروج من النار وإنما نفعته في تخفيف العذاب عنه. لشيخ الذكر il y a une quatrième catégorie d'intercession et c'est son intercession pour son oncle Abu Talib, parce que Abu Talib il a pris quelques positions à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens qu'il l'a supporté et l'a protégé contre les nuisances de son peuple, contre le mal que son peuple lui faisait, hein. Et donc on a bien connu ces exemples de protection que Abu Talib a fait pour son neveu. Et donc, on sait aussi qu'il a été en durant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant, comment on appelle ça, l'embargo. C'est pas un embargo, le boycott. Quand ils ont coupé les vivres et ils ont cessé de nourrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, donc ils ont souffert de cette difficulté-là et Abu Talib était avec lui. Et donc, il dit, donc c'est pour voir que Abu Talib a dépensé beaucoup de son énergie pour essayer de protéger son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour le défendre, hein, contre les mouchriquins. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est en fait, c'est, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité ça, que ce non-musulman, ce kafir soit là pour l'aider. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte qu'il soit là et qu'il l'aide. Hein? Et le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a fait beaucoup d'efforts également et il avait un désir ardent de lui montrer le droit chemin et de le guider à l'islam. Hein? Et il l'a appelé à entrer dans l'islam, il l'a invité à se convertir à l'islam. Il l'a même visité lorsqu'il était, disons, dans les derniers moments, juste avant sa mort. Hein? Ben oui, il était agonisant et il l'a visité et il lui a dit « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est une parole que si tu l'as dit, je vais argumenter ou je vais, disons, essayer de défendre ton entrée au paradis au jugement dernier. » Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et étant donné qu'il y avait d'autres mouchriquins qui étaient présents à ce moment-là avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les mouchriquins de Quraysh, ils ont essayé de, disons, jouer avec ses sentiments pour essayer de l'empêcher de témoigner de l'islam et de dire la ilaha illallah. Donc, ils lui ont dit, est-ce que tu vas quitter la voie ou la religion de Abdul Muttalib? Hein? Abdul Muttalib, c'était son père, son père. Donc, il lui a dit, est-ce que tu vas quitter sa religion, la religion de tes ancêtres, hein, de tes pères? Et donc, il a eu comme ce genre de fierté pour la djahiliya, hein, et donc, il a refusé de dire la ilaha illallah. Et il a dit, je suis sur la religion d'Abdul Muttalib. Donc il est mort, et il n'a pas dit la ilaha illallah, donc il est parmi les gens du feu. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en sa faveur pour diminuer son châtiment. Pour diminuer son châtiment au jugement dernier. Et non pas pour le faire sortir de l'enfer, et donc il n'y a pas de contradiction entre cette intercession-là et le verset dans Sourate Al-Muddathir, le verset 48 qui dit « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » Et donc l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, parce que cette intercession-là va être uniquement utile pour le faire diminuer en châtiment et non pas pour le faire complètement sortir de l'enfer. « النَّوْءُ الْخَامِسِ الشَّفَاعَةُ فِي مَنْ اِسْتَحَقَّ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ أن لا يدخلها. La cinquième intercession, ou cinquième catégorie d'intercession, c'est l'intercession pour celui qui mérite l'enfer parmi les gens du Tawhid pour ne pas qu'il rentre en enfer. D'accord? Donc s'il y a des musulmans qui méritent d'être en enfer parce qu'ils ont fait des péchés, ils sont morts sur le Tawhid, mais ils avaient des péchés. Ils méritaient l'enfer. Sauf que, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur pour ne pas qu'ils rentrent en enfer. Donc ça c'est une autre catégorie de shafa'a. Ensuite, النوع السادس الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. Et la sixième shafa'a, ou la sixième catégorie, c'est l'intercession pour celui qui est rentré en enfer parmi les gens du Tawhid, pour qu'ils en sortent. Ça, c'est la sixième catégorie de shafa'a. Et le Cheikh dit, « وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هما عامتان في الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراط فالأولياء يشفعون والصالحون والأفراط وهم الأولاد الصغار يشفعون لآبائهم. Le Cheikh il dit que les deux dernières shafa'a, les deux dernières catégories de shafa'a qu'on a mentionnées, 5 et 6, elles ne sont pas particulières au messager sallallahu alayhi wa sallam, mais elles sont générales pour les prophètes, tous les prophètes, tous les hommes pieux et tous les petits-enfants je ne sais pas si c'est ceux qui sont morts quand ils étaient bébés, ou bien si c'est tous les petits-enfants qui vont pouvoir intercéder pour leurs parents. Donc, ça c'est, ces deux catégories-là de shafa'a sont générales, non pas seulement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi ces deux dernières shafa'a-là pour les répéter? C'est l'intercession pour les gens du Tawhid qui méritent l'enfer, pour pas qu'ils rentrent en enfer, et l'autre c'est la shafa'a pour les gens du feu, parmi les gens du Tawhid, pour qu'ils sortent de l'enfer. Ça, ces deux dernières formes de shafa'a sont des shafa'a qui sont générales pour tous les hommes pieux, les prophètes et les petits-enfants qui vont intercéder pour leurs parents. هذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة للأحاديث الواردة الصحيحة فيها ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. Donc le Cheikh il dit que cette shafa'a elle est affirmée par les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a parce qu'elle est supportée par des ahadiths qui sont authentiques à ce sujet-là. D'accord? Et personne n'a divergé au sujet de ces intercessions-là, excepté les Mu'tazila et les Khawarij. Eux, ils ont dit, si quelqu'un rentre en enfer, ça y est, c'est fini, il ne sort plus. Et bien entendu, en disant ça, ils ont contredit les hadiths authentiques qui ont été rapportés à ce sujet-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est les gens de, c'est les catégories de shafa'a qui ont été authentiquement rapportées, sont authentiques au sujet de l'intercession qui remplit les deux conditions qu'on a mentionnées. Donc, le Cheikh dit ensuite وَأَمْرُ الشَّفَاعَ أَمْرٌ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ غَلِطَ فِيهَا أُمَمٌ مِنَ النَّاسِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَفَهِمُوهَا عَلَى غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَجُمْهُورُ الْمُشْرِكِينَ أو كل المشركين فهموها على غير المقصود وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها فحصل الغلط فلا بد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة لأنها أصبحت مزلة أقدام يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر لأن فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة أو أنهم يتعمدون المعاندة والمخالفة ويسيرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب فالشفاعة ليست منفية مطلقة وليست ولا مثبتة مطلقة بل فيها تفصيل وفيها إيضاح لا بد من معرفته ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لها من أجل هذا الغرض. ثم ساق رحمه الله بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة. Donc le cheikh il dit que la question de shafa'a c'est une grande question, un sujet très important. Et il y a beaucoup de monde. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trompés à ce sujet-là, dans le passé et de même que dans le temps présent. Et ils l'ont compris incorrectement. Donc la plupart des mouchriquins, sinon tous les mouchriquins, ils l'ont compris d'une façon incorrecte. Et il y a certains mubtadi'a parmi les musulmans qui la nient, ou qui nient une partie de la shafa'a. Et donc, il y a eu des erreurs à ce sujet-là, et donc c'est important de clarifier, hein, et de ramener ou d'expliquer les détails à ce sujet-là, en ce qui concerne l'intercession. Parce que il y a beaucoup de gens qui glissent quand ils arrivent dans les choses qui ont rapport avec cette question. Et donc les étudiants, les gens qui étudient la science, qui étudient l'islam, ils doivent donner une grande importance à ce sujet-là pour clarifier les erreurs des gens qui adorent les tombes et qui suivent toutes sortes de faussetés et de superstitions parce qu'ils n'ont pas compris bien comme il faut la question ou la signification de la shafa'a, ou bien des fois ils font même exprès de s'opposer et de contredire la vérité à ce sujet-là, et donc ils décident de persister ou de continuer à suivre ce qu'ils ont trouvé leur père ou leur grand-père ou leur chouyour en train de faire dans l'égarement, donc ils les suivent dans l'égarement à ce sujet-là. Et donc on dit que l'intercession, elle n'est pas affirmée totalement et n'est pas niée non plus totalement, mais il faut détailler, il faut clarifier. Celle qui est affirmée, c'est laquelle? Celle qui est niée, c'est laquelle? Hein? Parce qu'il y a des choses à clarifier à ce sujet-là, et c'est pour ça donc que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mis ce chapitre dans ce livre, à cet endroit-là, pour expliquer ce sujet-là. Donc, c'est ça, parce qu'il y en a des gens qui vont dire, vous n'affirmez pas l'intercession, alors que c'est pas vrai, on l'affirme, sauf que il faut distinguer entre les deux formes d'intercession, celle qui remplit les conditions, celle qui ne remplit pas les conditions. Celle qui remplit les conditions, on l'affirme, celle qui ne remplit pas, on ne l'affirme pas. D'accord? Donc, le premier verset que le cheikh محمد بن عبد الوهاب المنشيني دار اليف سي وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. C'est le verset 51 dans سورة الأنعام. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et averti par ceci, par le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés vers leur Seigneur, ils n'ont, en dehors de lui, aucun protecteur ni intercesseur. D'accord? Donc ça c'est le premier verset qui est mentionné à ce sujet-là. Et le cheikh il dit, الآيَةُ الْأُولَى قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنذر به الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف أما البشارة أو البشارة فهي الإعلام بشيء محبوب والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. Donc le cheikh il dit que ce verset là est un commandement pour le messager, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et averti par ceci, et il dit que ça dit anzir bihi, et donc le verbe anzir ça vient de al-inzar, et ça veut dire de donner ou d'informer quelqu'un d'une chose qui fait peur, d'une chose qui fait peur. Et le contraire, c'est al-bishara, ou al-bashara, c'est-à-dire d'informer quelqu'un de quelque chose qu'on aime, de quelque chose de bien. Hein? C'est pour ça que Allah, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un bashir et un navir. Hein? Il est annonciateur d'une bonne chose, d'une bonne nouvelle et avertisseur, exactement. Donc, il avertit, il annonce la bonne nouvelle aux gens de la foi, de la récompense qu'ils vont avoir et du paradis, et il avertit les gens du shirk et les gens qui font les péchés d'un châtiment et du feu. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الحشر معناه الجمع لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أو يجمع أولهم وآخرهم في صعيد واحد لا يخفى منهم أحد لأجل فصل القضاء بينهم وجزائهم بأعمالهم وهذا الموقف لا بد منه فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف لماذا خص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون وإلا فإنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون وفي إنذارهم نفع لهم أما المشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة الحجة عليهم وأما المؤمنون فإنهم يبلغون عن يبلغون نعم يبلغون من أجل نفعهم بذلك أو نعم. Il dit le cheikh que la suite du verset est averti ceux qui craignent d'être rassemblés vers leur Seigneur. Le mot yuhsharu, c'est le verbe yuhsharu, ça vient de al-hashr. Et al-hashr, ça veut dire le rassemblement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler tous les hommes au jugement dernier, du premier au dernier. Hein? Comme nous, Abdul Hakim, hein, ce matin, il nous racontait une histoire, et ce matin, Abdul Hakim, il nous disait qu'à son travail, il y a quelqu'un qui lui disait « Ça se peut pas, voyons, il y avait bien trop de monde sur la terre, hein? On ne peut pas tout rassembler tous ces gens-là. Hein? » Donc il nous racontait ça. Ça c'est les idées que les kuffars des fois ils ont, hein, ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala et au rassemblement au jour dernier, ils s'imaginent que c'est quelque chose de trop grand, trop difficile, comme si ce n'est pas possible. Que tous les êtres humains qui sont morts depuis le premier jusqu'au dernier soient ramenés et qui vont être jugés. Et oui, ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont tous être réunis sur une seule, disons sur une seule surface, hein, sur une seule, un seul terrain, hein, et il n'y a personne d'entre eux qui sera caché, hein, ou qui pourra se cacher, et Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre eux. Et va les récompenser ou les rétribuer selon ce qu'ils ont fait dans ce monde, selon leur foi et leurs actions. Et donc, il faut qu'il y ait ce jugement-là. Il faut qu'il y ait ce moment-là où les hommes seront jugés. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, d'avertir les croyants à ce sujet-là. Et pourquoi en particulier les croyants? C'est parce que c'est eux en particulier qui mettent en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, on sait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est commandé d'avertir tous les êtres humains. Mais dans certains versets, Allah lui dit d'avertir ceux en particulier qui ont cru et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignent le jugement dernier, parce que c'est eux qui mettent en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, c'est parce qu'il y a donc un bien pour eux dans le fait de les avertir, parce que c'est eux qui en profitent, c'est eux qui l'appliquent, c'est eux qui se soumettent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les mushrikoun et les kuffars, فهم يبلغون من أجل إقامة الحجة عليهم. Oui, c'est ça. Les kuffars et les mushrikoun, eux, même s'ils ne mettent pas en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, pourquoi on les avertit? On les avertit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on les avertit pour établir contre eux la preuve. iqamatul hujja alayhim. Donc même s'ils se soumettent pas et qu'ils suivent pas le messager mais qu'ils croient pas en l'islam, au moins la preuve a été établie contre eux, au jugement dernier ils n'ont plus d'excuses. Ils peuvent pas dire ah mais personne m'a parlé de l'islam, personne m'a dit, personne m'avait dit. Non, quelqu'un t'avait dit. Non, non, pour les koufars c'est comme une information jusqu'à ce qu'ils acceptent, ou bien s'ils refusent, eh ben ils sont informés. Hein, et les musulmans, ils avertissent. Les croyants, les minimes, ils sont avertis. Barakallahu fik. Et donc, il dit, Amma al-mu'minun, parce qu'il concerne les mu'minun, c'est ça. Yublahuna min ajli naf'ihim bidhali. Donc, les croyants, eux, ils sont informés, ils sont avertis de ça, et on leur transmet ça pour qu'ils puissent en bénéficier. Parce que c'est eux qui vont en profiter le plus, puisque c'est eux qui l'appliquent. ليس لهم من دونه أي غير الله ولي ولا شفيع لا أحد يتولاهم يوم القيامة من الخلق يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم القيامة لا أحد يسأل عن أحد قال تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون فهنالك الولاية لله الحق يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد ولا أحد يسأل عن أحد بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه ولا شفيع أي واسطة يتوسط له عند الله ما أحد يشفع له يوم القيامة إلا بإذن الله وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضى الله عنه هذه الشفاعة منفية فهذه شفاعة منفية فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء نعم إلا بإذن الله وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضي الله عنه أو يرضى الله عنه وهذه شفاعة منفية فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله كما يقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا إلا فقل يا زلة القدم هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده ويخلصه من يخلصه أن يخلصه من النار وهذا ليس بصحيح لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان لشيخ ذي donc ils n'auront pas en dehors d'Allah سبحانه وتعالى aucun protecteur ni intercesseur. Il n'y a personne au jugement dernier qui pourra te protéger. Hein? Il n'y a personne au jugement dernier qui pourra protéger les êtres humains. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est le jour où une personne va s'enfuir de son frère, de sa mère et de son père et de sa compagne et de ses enfants. Hein? Ce jour-là, tout le monde va s'enfuir les uns des autres. Chacun aura ses propres choses hein, au sujet desquelles il va se préoccuper. Hein. Donc chacun va s'attarder, il va s'occuper uniquement de lui-même ce jour-là. Et tout le monde va s'enfuir de l'un de l'autre. Ça c'est dans Surat Abasa, versets 34 et 37. Ou 34 à 37. Donc, le jour du jugement dernier, personne ne va pouvoir demander rien à personne. Comme il dit aussi dans Surat Yunus, le verset 30, وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ils vont être tournés à Allah subhanahu wa ta'ala, leur vrai maître, et tout ce qu'ils avaient en dehors de lui va s'écarter, hein, c'est-à-dire il n'y aura plus rien de ce qu'ils ont inventé comme des fausses divinités ou autre chose qu'ils croyaient pouvoir prendre comme protecteur en dehors d'Allah. Et ils mentionnent aussi donc, ce ce jour-là, on va voir que c'était uniquement Allah le vrai protecteur. Hein? C'est dans Surat Al-Kahf, le verset 45, « Nalika al-walayatu lillahi al-haq ». Donc c'est là qu'on va voir le réel protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas personne d'autre qui pourra te protéger ce jour-là. Donc, personne pourra aider personne au jugement dernier. Et personne ne va demander à personne, et même si la personne la plus proche de toi te voit au jugement dernier, eh bien elle va s'enfuir de toi. Voilà, shafi, c'est-à-dire il n'y a même pas non plus d'intercesseur qui pourra t'aider. Hein? Personne ne pourra intercéder auprès d'Allah au jugement dernier, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec la condition que cette personne soit parmi celles qui a eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit que tout ce qui a été pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme intercesseur et que les gens croyaient qu'ils pouvaient, disons, les faire sortir ou les épargner du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils sont donc dans l'erreur. Et la shafa'a qu'ils ont affirmée est une fausse shafa'a. Comme la personne qui a dit dans le poème Al-Burda, on appelle Al-Burda, on a mentionné plusieurs fois ce poème-là que les soufis récitent durant le Mawlid al-Nabawi. Ils disent « Ya akram al-khalqi mali man alouzu bihi siwaka inda hulul al-hadif al-imami » Ils disent, c'est comme s'ils disent que « Oh, messager » ils invoquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant « Oh toi la plus noble des créatures, je n'ai personne en qui me réfugier en dehors de toi lorsque le jugement dernier va venir. » C'est ça ce que ça signifie. « إِلَّمْ تَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةُ الْقَدَمِ » C'est-à-dire, si tu n'es pas là pour me tenir la main ce jour-là, c'est comme si c'est fini pour moi. Donc, il croit, le cheikh dit que ça c'est la croyance du mouchriquin, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, va pouvoir attraper la main des gens pour les sauver du feu. Et il dit que ça c'est pas correct, cette croyance-là est fausse. Hein, parce que personne ne peut sauver de l'enfer excepté Allah subhanahu wa ta'ala s'il fait partie des gens qui ont la foi. Hein. Donc les mouchriquins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien faire pour eux. Hein. Au jugement dernier, il ne peut pas intercéder pour quelqu'un si c'est un mouchrik. Parce qu'il ne fait pas partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « وَيَرْضَى إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءَ » Donc s'il a fait le shirk, il ne fait pas partie de ceux qui ont eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette aqida de croire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut te sauver au jugement dernier, c'est une fausse aqida, c'est une forme de shirk. Après le shirk dit « لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ » لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ « هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَأَنْذِرْ بِهِ » من أجل ماذا؟ أي من أجل أن يتقوا ربهم، والتقوى معناها أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة بفعل الطاعات وترك المحرمات، ولا يبقى من عذاب الله يوم القيامة إلا التقوى. فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء بين الله بين الله أنه سيأتي يوم القيامة لا أحد يشفع لهم كما يزعمون. Donc le cheikh dit que à la fin de ce verset Allah subhanahu wa ta'ala لعلهم يتقون, c'est-à-dire pour qu'il dans le but qu'il craigne, c'est-à-dire averti-les dans le but qu'il craigne et qu'il qu'est-ce que ça veut dire التقوى? Ça veut dire de prendre une protection entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Et cette protection-là, c'est quoi? C'est de faire les bonnes œuvres et de s'éloigner des choses haram. C'est ça, al-taqwa. Al-muttaqoun, c'est ceux qui se sont, qui ont pris entre eux et le châtiment d'Allah une protection. Et c'est quoi cette protection? C'est de faire les bonnes, d'avoir la bonne foi et de faire les bonnes œuvres. Et de s'écarter du haram. Ça, c'est ça la signification de taqwa, ça vient du mot wiqaya, c'est-à-dire de chercher une protection. La piété, là, c'est une traduction qui est un peu déficiente quand on la traduit, et des fois ils traduisent le mot taqwa par la crainte, hein, d'avoir la crainte d'Allah, taqwa Allah, crainte d'Allah, ou la piété. Mais la réalité de sa signification, du mot taqwa, c'est de prendre une protection entre toi et le châtiment d'Allah en faisant ce qu'il t'ordonne et en t'écartant de ce qu'il t'interdit. Et les ulama, ils ont donné l'exemple comme on avait expliqué l'autre fois, comme par exemple quand tu veux te protéger du soleil, tu te mets dans l'ombre, hein, tu cherches une protection de la chaleur en te mettant à l'ombre. Ou quand tu veux te protéger du froid, tu te mets là où il y a de la chaleur, ou bien tu mets un manteau. Bon ben c'est un peu comme ça. Taqwa, par rapport à la foi et par rapport à la religion, c'est de prendre une protection entre toi et le châtiment d'Allah en faisant ce qu'il t'ordonne et en t'écartant de ce qu'il t'interdit. Ensuite, le cheikh il explique le deuxième verset qui est mentionné dans ce chapitre. قَوْلُهُ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا dit, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'intercession tout entière. Hein? L'intercession tout entière appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, قَوْلُهُ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا هذه الآية جزء من آية في سورة الزمر وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم هنا بمعنى بل أي بل اتخذوا وهذا من باب الإنكار عليهم اتخذوا أي المشركون من دون الله أي غير الله شفعاء أي وسائط يتوسطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم فقل أولو كانوا لا يملكون شيئا فالشفاعة ليست ملكا لهم فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون قل لله الشفاعة جميعا إذ تطلب الشفاعة من الله لا تطلب من غيره. Donc le cheikh il explique ce verset là en disant que ce verset en fait قل لله الشفاعة جميعا c'est une partie d'un verset, et le cheikh il a juste mentionné ce bout là alors que le verset en entier qui est dans sourate Az-Zumar, le verset 43 et 44, il dit mais ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des intercesseurs, dit, c'est-à-dire aux messagers d'Allah, dit à ces gens-là, dit aux gens, même s'ils ne possèdent rien et qu'ils ne réfléchissent pas, dit, c'est à Allah qu'appartient, hein, dit aux gens, c'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière. C'est lui le maître ou celui qui possède les cieux et la terre, et c'est vers lui que vous retournez, hein, que vous allez retourner. Donc, le chef il dit que ce verset-là, c'est dans le but de leur faire comprendre que ils ont tort de chercher des intercesseurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, que les mouchriquins veulent chercher des intercesseurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah pour demander quand ils ont des besoins, ou quand ils ont des problèmes. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ils ne possèdent rien. Ces intercesseurs-là, ils ne possèdent rien pour eux-mêmes. وَلَا يَعْقِلُونَ ils ne réfléchissent pas. Donc comment tu peux demander à quelqu'un quelque chose que ça lui appartient même pas, hein? Donc si quelqu'un ne possède pas quelque chose, il ne peut pas te le donner. قل لله الشفاعة جميعا دي l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois la demander et non pas à personne en dehors de lui. Donc ça c'est l'explication de ce verset, de ce deuxième verset. Puis pour la suite, donc on va continuer, inshallah, on va continuer demain. Donc on va s'arrêter maintenant, inshallah. D'accord. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وياكم.